Vous êtes sur chez l'Inter, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 25 février, politique foncière, une rencontre a réuni le chef du gouvernement et le président du CESE, Ahmed Al-Dachami, qui nous en dira plus dans quelques instants. À suivre également dans ce journal, coronavirus, avec ce premier décès déclaré en France et l'Iran qui annonce pour sa part 4 nouveaux morts. Au Maroc, les mesures préventives ont été renforcées au niveau du port Tangemed, notamment pour détecter tout éventuel cas du coronavirus entrant dans le pays. Et puis, boxe anglaise au menu de la page sport de ce journal. 8 pugilistes marocains, 4 dames et autant d'hommes sont en lice cet après-midi pour décrocher un ticket pour les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Tokyo. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La stratégie foncière au Maroc, c'était l'objet de cette rencontre aujourd'hui à Rabat entre le chef du gouvernement Sadedine Othmani et le président du Conseil économique, social et environnemental Ahmed Al-Dachami. Ils nous ont dit plus, on l'écoute. C'est une pratique qui vient renforcer l'esprit de la Constitution. Voilà deux institutions constitutionnelles qui travaillent ensemble. Deuxième des choses qui est importante, c'est que le foncier joue un rôle important dans le développement économique, dans la réduction des disparités spatiales, dans la réduction, dans le renforcement de la justice sociale. Et donc, ce rapport propose différentes mesures pour aller dans ce sens-là. Par exemple, on propose de mobiliser du foncier industriel et comment le mobiliser pour favoriser l'investissement industriel. On propose aussi de mobiliser du foncier dans les villes pour des projets qui sont destinés à la classe moyenne. Ça permet, si jamais on arrive à avoir des logements à prix abordable pour cette classe, de renforcer son pouvoir d'achat. Et bien sûr, nous avons travaillé aussi sur le monde rural et comment les terres collectives peuvent être utilisées pour le bien-être des ayants droit. Et donc, on peut créer, par exemple, un droit secondaire pour un ayant droit qui vit sur cette terre, qui l'exploite pendant des années. Et donc, ce droit secondaire lui permet de rentrer dans le circuit économique. Et bien sûr, deux autres axes qui sont la gouvernance du système. Parce qu'il y a plusieurs intervenants et donc il faut qu'il y ait une gouvernance centralisée. Et le dernier point, c'est le système d'information qui permet d'avoir des informations fiables pour pouvoir prendre des données, pour pouvoir prendre des mesures intelligentes. Et de neuf pour le Solaire Expo Maroc, ce salon international de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique connaît cette année la participation d'une centaine d'exposants. 15 pays sont représentés et plus de 10 000 visiteurs attendus. L'objectif principal est de promouvoir une vision globale des marchés marocains et africains. Plus de détails avec Sarah Tahri et les responsables du développement commercial et de la promotion chez PS Power. On s'occupe de tout ce qui est irrigation, pompage solaire et aussi autoconsommation. Il y a plusieurs sociétés, la facture d'électricité d'Elum qui touche environ 1 million de dirhams, des fois. Donc nous, avec ce système, donc, c'est des panneaux photovoltaïques au fait, connectés à un onduleur photovoltaïque. C'est ce qui permet au fait d'avoir l'électricité durant toute la journée. Et comme ça va permettre au fait ils auront un investissement à faire, mais après ils n'auront plus de frais de maintenance ou de gestion à faire. Et le projet, effectivement, il s'étale sur 25 ans. Et il y a aussi toute la partie SAV qui concerne aussi cette partie autoconsommation. On s'occupe de tous nos clients, donc on fait le suivi avec eux. S'ils ont un petit souci de matériel, etc., on est tout de suite là parce qu'on sait que l'électricité, c'est très important, surtout dans de grands projets. Donc, les gens ne peuvent pas rester sans électricité 3 jours ou les 2 jours. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on est connecté au réseau. Donc, au cas où il n'y aurait pas assez de soleil, donc ils sont quand même connectés au réseau. Ils peuvent avoir de l'électricité, mais à un moindre coût. L'épidémie du coronavirus a fait un premier mort en France. Il s'agit d'un homme de 60 ans. Il a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans un état gravissime. En comptant ce patient décédé, 5 nouveaux cas ont été confirmés en France entre hier soir et ce matin. Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de 2 morts. Le Français de 60 ans et un touriste chinois de 80 ans. 11 guérisons et 4 malades toujours hospitalisés, soit 17 cas au total. En Iran, 4 nouvelles personnes sont décédées. 44 nouveaux cas infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés ces dernières 24 heures, portant le bilan à 19 morts. Près de 140 personnes, dont le vice-ministre de la Santé, ont été infectées par la maladie à travers plus de 10 provinces d'Iran et la plupart des voisins de la République islamique ont mis en place des mesures de restriction des déplacements et de placement en quarantaine. Face à l'épidémie, les mesures préventives ont été renforcées au niveau du port Tangemed pour détecter tout éventuel cas du coronavirus rentrant au Maroc. Ce programme pratique se base sur la surveillance des navires en provenance directe des pays enregistrant des taux élevés de contamination au coronavirus, particulièrement la Chine, la Corée du Sud et l'Italie. Les voyageurs ne descendront des navires qu'après le passage des membres du service du contrôle sanitaire et le contrôle de la déclaration maritime de santé remplie obligatoirement par les capitaines des navires selon les règles de santé émises par l'OMS. Les ressources logistiques nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus ont été renforcées. Le port a été doté d'une caméra thermique, d'appareils avancés pour mesurer la température, de vêtements de protection et de 4 ambulances équipées pour prendre en charge tout éventuel cas de contamination. Sachez par ailleurs qu'un premier cas de coronavirus a été enregistré en Algérie. Il s'agit d'un Italien arrivé le 17 février. Le nouveau Covid-19 a fait son apparition dans 3 autres nouveaux pays, l'Autriche, la Suisse et la Croatie. La maladie concerne désormais, Chine mise à part, 3 douzaines d'États où elle a fait plus de 40 morts et 2700 contaminations. En Europe, l'Italie est le pays européen le plus touché avec plus de 300 personnes contaminées, pour la plupart dans le nord du pays. 10 personnes y ont succombé, toutes des personnes âgées et atteintes précédemment de pathologies graves. Plusieurs médias ont annoncé une 11e victime. Les pays voisins se sont engagés à garder leurs frontières ouvertes lors d'une réunion ministérielle hier à Rome. En revanche, l'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine semble avoir atteint un pic dans ce pays. Les autorités ont fait état ce matin de 52 nouveaux décès en l'espace de 24 heures contre 71 hier, soit le chiffre le plus bas depuis plus de 3 semaines. Le chiffre quotidien de contamination est justement à la baisse en Chine. 460 nouveaux cas, 406 nouveaux cas ont été annoncés aujourd'hui contre 508 hier. Toutes ces contaminations, sauf 5, sont intervenues au Hubei, province de 58 millions d'habitants sous quarantaine depuis un mois déjà. Le reste de l'actualité nous mène aux États-Unis. Assailli de critiques par ses rivaux, le grand favori des primaires démocrates Bernie Sanders a martelé hier que son programme très à gauche pouvait le porter vers une victoire contre Donald Trump en novembre prochain. Les échanges acerbes, faut-il le rappeler, entre les candidats à l'investiture démocrate lors de ce débat particulièrement animé étaient à la hauteur des enjeux. 4 jours avant un vote crucial des primaires démocrates en Caroline du Sud, plusieurs jouaient ici leur dernière chance de rester en lice. Car le résultat en Caroline du Sud influencera de manière décisive l'élan des candidats juste avant le Super Tuesday, lorsque 14 États voteront le 3 mars. À 78 ans, Bernie Sanders est jusqu'ici le super favori de ces primaires, après 3 votes dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Son avance a fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti entre les partisans du sénateur socialiste autoproclamé et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs pour battre Donald Trump le 3 novembre. Violences intercommunautaires à Delhi, en Inde. 20 personnes y ont trouvé la mort et 200 autres ont été blessées. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois même de pistolets sèment le chaos et la terreur depuis dimanche dans des zones périphériques à majorité musulmane du nord-est de la mégapole, éloignées d'une dizaine de kilomètres du centre. De nombreux travailleurs migrants pauvres y résident. Lors de multiples incidents rapportés par la presse indienne, des groupes armés hindous sont pris à des lieux et à des personnes identifiées comme musulmans. Un drapeau hindou flottait ce matin au sommet d'une mosquée de quartier brûlée. C'est un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies. En cause, une loi controversée sur la citoyenneté jugée discriminatoire envers les musulmans. Les face-à-face ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans. La page sport à présent, boxe anglaise au menu. 8 pugilistes marocains sont en lice en effet cet après-midi à Dakar pour un ticket d'entrée au JO Tokyo. À la une aussi, football avec la Ligue des Champions en Europe et le championnat national de première division. Abdelaziz Douze. En football, pas de vainqueur hier lors des deux matchs décalés de la 17e journée de l'Elite 1. En effet, à Safi, l'Olympique local, et grâce à un pénalty de Hamid Rabah, est revenu in extremis un but partout face à une équipe des phares qui restait pourtant sur 4 victoires consécutives. 11 matchs nuls pour les Abdi, 11e avec 17 points, alors que les militaires sont désormais 4e avec 29 points. Dans l'autre match de la soirée, pas de but à tête entre le Maghreb local et le Raja de Bilal. Ces derniers, sans victoire depuis la première journée, ont signé leur premier point à l'extérieur cette saison. Les nordistes, incapables de gagner depuis 7 matchs et le 21 décembre dernier, 108e avec 22 points. Restons avec nos clubs avec cette fois-ci l'annonce officielle de l'arrivée de Juan Carlos Garrido, désormais nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca. L'Espagnol a signé un contrat de 4 mois renouvelable en cas d'objectif atteint, notamment le titre de champion du Maroc, plus une finale ou un titre en Ligue des Champions africaine. L'ex-entraîneur du Raja est fier de diriger le Wydad. Je suis très fier de commencer cette période avec Wydad. C'est un grand club, c'est une grande équipe. Il y a très bon effectif, de très bons joueurs. Et je pense que nous ensemble, nous pouvons conseguir cette victoire, la victoire dans la Botola, la victoire de la Champions League. Nous besoin travailler tous ensemble, l'effectif, les joueurs, le staff, le président et le public. Nous besoin tout l'effectif disponible, chaque joueur est important, nous besoin le public. Le premier match de l'Espagnol sera ce samedi à partir de 20h en quart de finale aller de Ligue des Champions africaine face à l'Étoile Sportive du Sahel. Restons avec les coupes africaines avec cette fois-ci la Coupe de la CAF avec la Renaissance Sportive de Berkane qui est arrivée ce matin au Caire en vue du match de dimanche prochain à partir de 19h à Port Saïd face à l'équipe égyptienne d'Al-Masri. Dans la même compétition, le Hassania est attendu demain pour rencontrer les Libyens de Nasser Benghazi. Avant de passer au football européen, rappelons qu'en boxe et pour le tournoi qualificatif pour les JO à Dakar au Sénégal, 8 pugilistes marocains seront en lice aujourd'hui en demi-finale dans l'espoir de décrocher une place pour les JO l'été prochain. Rappelons que l'équipe nationale marocaine de boxe a qualifié 4 hommes sur 8 et 4 femmes sur 5. Et on termine à part du football européen avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions européenne qui ont vu hier un petit Barça arracher tout de même un bon match nul, un but partout à Naples face à des Italiens très moyens. En même temps, le Bayern Munich a déjà un pied et demi en quart de finale après sa victoire hier 3-0 à Londres face à l'équipe de Chelsea. Ce soir, les deux derniers matchs avec notamment cette affiche qui aura lieu au Santiago Bernabeu à partir de 21h avec le Real qui reçoit Manchester City. En même temps, à Lyon, l'Olympique reçoit la Juventus de Turin.